Et hop, et voilà, et ils s'embrassent, et bah bravo, c'est du propre, c'est Pyongyang, c'est T-Rockers, numéro, je sais même plus combien, 372. Merci madame. De rien. Ça va Célia? Ça va et toi? Oui. Il y a aussi Jamie qui vient d'arriver. Non, mais là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est... Non, celui-là, il marche pas non plus. Quand je disais à des amis hier que les micros, il fallait un petit peu se... C'est un peu aléatoire, quoi. C'est aléatoire, oui, absolument. C'est bon, là, on t'a vu avec ton bob irlandais. My bucket. Ah, d'accord. Bucket. Viens faire une bouquette. Ça va, Val? Ouais. Hein. Non, mais t'arrêtes. Hein. Non, mais quoi? Bah, déjà, je suis là, c'est bien. C'est bien, t'as trouvé la route, ouais. Par contre, t'as pas ramené... Et bonne année, hein. Oui, mais bien c'est sûr, vrai, hein, bonne santé, hein, tout ça. Parce que la santé, c'est le principal. Et compliments. Hein. Et l'un des éminents membres fondateurs de cette émission, Gaël, est là. Oui. Oui. Bonne année. C'est concis. C'est, ouais, précis. Hein. Boum. Puis bah voilà, alors vous savez ce qui se passe en ce moment. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Je démarre donc avec un titre qui est déjà passé dans Pyongyang City Rockers il y a 8 ans. Maintenant. Ah, j'étais là. Tu étais là. Pas moi. Enfin, un peu moins du temps, c'était en avril 2017 que je l'avais passé. C'est une vision mexicaine de l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump par brujería. Et ils font un peu de sorcellerie, puis ils disent « Viva Presidente Trump ». Bon, voilà, avec un petit discours au début, puis à la fin, ça finit bien quand même, bien pour nous. On y va, brujería. Ok, let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm gonna build a wall. I'm gonna build a great wall across our southern borders, and I'm gonna make Mexico pay for it. You mark my words. Viva Presidente Trump! Ya sabemos de su onda, que un chingo nos odia. Su visión es él, el gran pito y Ron Wilson. Habla mal de mexicanos, ilegales, mimados. Si llega a ser presidente, va a haber bronca en cada estado. Yo sí quiero que llegue a ser presidente, gabacho. Porque él quiere ver guerra, igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente Trump. Porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos. Presidente Trump! you don't hear? Ven acá, güey. What is that, sword? Te voy a cortar el pelo, cabrón. Stop, stop. Ven acá. Ven acá, cabrón. Ah, what is that? Don't you understand, Mexican? Esto es México. Ahí estás, cabrón. Voilà, c'est... Voilà. Et, hein. Cabron, c'est tout ce que j'ai compris. Ouais, c'est pour eux. C'est, pour, c'est dédié aux gens qui sont morts en traversant la frontière, tout ça, tu vois. Tout le bordel. Ok. Ouais, bah ouais. Non, c'est pour une fois que ça finit bien. Moi, je trouve qu'il fallait le passer, quoi. Et plusieurs fois. Parce que c'est vrai que la finalité va pas être si cool, je crois. Comment ça va se passer, ouais. Tu veux dire. Ouais. Non, bah, à la fin, c'est nous qu'on gagne. Ah ouais, c'est Lio. Ouais, c'est Lio. C'est Lio. Ah oui, je parle comme ça. C'est le magasin, c'est Lio. C'est un peu ça. Alors, en cette semaine de Blue Monday, le jour déprimant, le plus déprimant de l'année, je vous amène en Allemagne de l'Est, à Chemnitz, avec le groupe L'Appel du Vide. C'est du post-punk, dark wave, avec des guitares surf et aussi un peu de noise. Sur leur page Bandcamp, il y a un long texte en allemand qui pose bien l'ambiance de l'album. Je vais vous lire un passage traduit en français, bien sûr. Ah, cool, merci. J'aurais pas osé le lire en allemand. Alors, tu chevauches les collines de Zwickau en direction du nord-est. Les rênes en cuir s'enfoncent dans tes mains gelées, tandis que la soude brûlante et acide s'enflamme. Une sueur de chat métaphysique te transperce la peau, port par port, à travers un tatouage de cercueil estompé sur l'avant-bras. Les pieds fatigués dans les bottes de ton père, en serrant le flanc d'un Appaloosa, c'est un cheval, gris et fumant, à moins que ce ne soit juste la Simpson S51, c'est une moto, bien pénible. <C'est rire> Bah, j'ai été chercher parce qu'au début, je me suis dit, je ne comprends pas la traduction. C'est plein de références, dis donc. Peu importe, car il s'agit en fait de ta machine mentale ancestrale dans laquelle tu erres à travers les ruines de la connaissance de soi en suivant l'appel du vide. Vers Chemnitz, le San Francisco du petit homme. Oula, comparé Chemnitz à San Francisco, ouais, c'est culotté. Ça a fait rire. Donc on écoute tout de suite Verbrunnen de l'Appel du Vide. Ça y est, c'est le bordel dans le studio, il y a JJ qui est rentré, voilà. Et voilà. Bonjour que... JJ, ça va ? Ah ouais, ça y est, je peux plus parler. Je viens toujours au tour rouge comme d'hab. Attends, tu parles dans le micro, mais en fait, il y a un qui... Ah bon. Enfin, il fonctionne. Bonjour JJ. En fait, c'est plutôt Bordeaux. Ouais, plutôt comme ton souhait. Ben, ça va bien avec mon... Mon pull. Pas mal. En plus, t'as ramené ta casquette pizza trempe. Eh oui. C'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, sinon, je voulais juste dire que le morceau, c'est le patron du hardcore qui l'a partagé sur les internets. Alors, bonjour Mika. C'est encore c'est le patron Mika. Du hardcore lillois ou alors c'est le patron du hardcore français maintenant, enfin, je sais pas. Il faut lui demander. Au moins lillois. Lillois, c'est sûr. Nord-Pas-de-Calais, alors, on va dire. Ouais, d'accord. Hauts-de-France aussi, parce qu'en fait, tu rajoutes un truc où il n'y a rien. Ah, toi, il prend de l'ampleur avec pas grand-chose. Oui, attention, toi. Fais attention. Ça va, Jamie ? Ouais. Il attend que ça se passe. Il en fait toujours son petit effet. Les rois, vous connaissez les rats ? Les rats. Les rats. Les rats. Ouais, j'ai un français. Les rats. Avec Patochon. Ça. Ben moi, j'ai passé enfin un problème. Parce que dans la chanson, il dit « Ma mère me colle des baffes, il paraît que je l'énerve, elle voudrait que je trouve un taf pour que je me tire de chez elle, mais moi, je préfère zoner toute la journée, pointiller à la soin, à écouter jusqu'à la fin. Et moi, c'est parce qu'elle me reproche de dormir jusqu'à midi. Donc, on va écouter. On se demande vraiment. Enfin, un problème. De l'ERA, c'est parti pour ne pas s'arranger, le EP, et c'est sorti le 1er janvier 88. Ah ouais, 88, j'aurais dit 87, ouais. Et comme quoi. Bah, 1er janvier 88, c'est peut-être un référencement bizarre. Ouais, j'en ai vendu de ce 45 tours. Ouais. Ouais, je te jure, combien quand il est sorti. Bon, l'ERA. Ouais, l'ERA. De chevel, mais moi je préfère sonner toute la journée. Faudrait indemniser les jeunes retraités. J'ai des conneries, faut pas m'en vouloir. C'est parce que je suis un enfant à problème. Déjà tout petit, je foutais le bordel. Ne pleurez pas, c'est pas moi que ça gêne. Eh bien, pendant que vous écoutez les rats sur Pyongyang Sea Rockers numéro 172, on parlait ici, de Célia dératisation. Et la dératisation, voilà. C'est ça. Et JJ nous raconte ses histoires de bestioles décomposées. Bon. C'est con, c'est gore, on n'aurait pas dû le faire hors antenne. La prochaine fois, on fera une c'était émission spéciale. Alors moi, je peux vous dire qu'à un moment, quand j'avais une 4L, il y a très longtemps. Hein. Ouais. Déjà, je rigole. Et il commençait à avoir une odeur, donc il y a forcément une bestiole qui était restée coincée quelque part sous la bagnole. J'ai eu beau chercher partout, j'ai jamais trouvé le bestiau. Et pendant plusieurs mois, en fait, dès que la voiture elle avançait, surtout quand le moteur chauffait, donc elle devait être pas loin du moteur, ouais. Hein, et ben il y avait une grosse odeur qui remontait, puis t'avais tout le monde qui se brossait. Finalement, t'as trouvé ? Ben non. T'as jamais trouvé ? T'as revendu la voiture comme ça, salaud ! Non, bah non, elle est partie à la casse. À un moment, il n'y a plus d'odeur. Donc on s'est dit, bah c'est bon, la bestiole était tellement décomposée qu'elle s'était détachée toute seule. Ouais. Ouais. Mais ça a duré plusieurs mois. C'était super, quoi. Sur ce. Bonjour Gaël. Salut. Une bonne intro, moi je dis. C'est clair. Tu prendras des pâtes pour finir ton jambon. Non, c'est vrai. Bon, il y a quelques mois, on entendait parler d'un éventuel split avec Q6 Crew et Frustration. Cool, ça. Puis on a appris qu'il contiendrait deux reprises de Camera Silence. Cool, ça. Ouais. Puis on a appris qu'il était sorti 400 exemplaires et qu'il était déjà sold out à sa sortie. Cool, ça. Moins cool. Depuis, bah, tu te consoles en te disant que tu vas pouvoir l'écouter sur le net. Bah non. Pas cool du tout, ça. Ouais. Puis un jour, Olive BX a uploadé ça en vidéo Facebook dans un groupe privé. Cool, ça. Bon, c'est pas très pratique à retrouver, donc j'ai contacté Schmeck. Depuis, j'ai mes deux morceaux en MP3. Je suis content. Dans quelques semaines, je récupère ma copie. Je suis encore plus content. Ah ouais, quand même. Et petite particularité de ce split, ne vous attendez pas à chanter direct sur ces deux reprises, car en fait, ce sont deux morceaux jamais enregistrés par Camera Silence. Oh, pas cool. C'est Costarnac. C'est cool. Après petite enquête, il s'agirait de deux morceaux qu'on pouvait retrouver sur un enregistrement dégueu de répète enregistré par Ty Luc. Rip à toi. Les deux morceaux sont Histoire d'un soir, traficoté à sa sauce par Frustration, et En cavale, un morceau prémonitoire ou hommage à Gilles. Rip à toi. À savoir que le bouquin de Gilles s'appelle 30 ans de cavale, ma vie de punk. C'est ce morceau que j'ai décidé de vous passer. Pour le bureau des plaintes, c'est avec Euthanasie Record qu'il faut voir ça. Ah, le label est RIP. Bah bon courage. 8-6 Crew, En cavale, PCR, 106,6. Oi. Quand y en aura assez d'être aussi Non, attendez. Alors, qu'est-ce que c'était cette affaire-là, juste après 8-6 Crew? C'était Canteleu, anciennement Goodbye Horses, groupe lillois, allez, on va dire post-punk, disons-le rapidement. Le titre, c'est De Chair. Pourquoi je passe Canteleu? Parce que ça fait partie des... Ils font partie des gens qui ont participé déjà maintenant à la migration depuis Facebook et Twitter vers... ce mouvement, ouais. Oui, à voir. Ce mouvement, je t'ai vu aussi. Oui, je suis moi pas encore. Je suis dessus et je suis l'histoire. Ouais. Je voulais un peu en causer la semaine dernière et puis finalement tout le monde est au courant. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de mouvements. Tel engouement, à voir. Moi, ça me fait penser sérieusement au début de Facebook, effectivement, quand tu cherches tes contacts, tu vois, ce genre de truc. Ouais, tout à fait. Ouais. Quand tout le monde venait de MySpace. ça j'ai pas. C'était tellement pourri. Il y a eu une migration de MySpace vers Facebook et puis là, il y a un petit, peut-être début de migration de Facebook, etc. À voir. C'est tout ce qu'on souhaite. À voir si ça va marcher. C'est tout ce qu'on souhaite. Et puis il faut aussi que le machin il marche. Enfin, je veux dire. J'ai l'impression que ça démarre bien. Oui, non, mais je veux dire techniquement, quoi. Un truc comme Facebook, un des grands avantages de Facebook, c'est c'est une plateforme qui tombe très rarement en panne. Depuis que j'ai suis ça a dû arriver deux fois, quoi. Qui fait du bashing de temps à autre, mais... Ouais. Oh, cette vieille histoire. Le skinhead bashing, oui, je me souviens. C'est vrai. Mais bon, bref, j'étais plutôt agréablement surpris. Qui c'est qu'on a vu arriver Gumeau, aussi, vu que ça va quand même avec Grand Corbleu. Et il n'y a pas de like. Non, tu peux faire un boost. Non, mais c'est le like à l'ancienne, c'est la petite étoile. Un poc. Ah non, c'est un favori, ça, non? Non, pas du tout. Les favoris, c'est à côté. D'accord, je vais réinvestiguer l'histoire. C'est une espèce de petite page avec un signé, pour dire que tu mets un signé. Un signé, c'est pas un like. Oui, mais c'est pour ça. Alors, tu me parles de deux trucs. Moi, je te parle de un, puis là, tu me parles de l'autre. D'accord, okay. Je m'enlise, là. Non, à peine. Arrête de crier dans le micro. Allez, suivant. Bref, revenons à nos moutons. Donc, vous savez aussi tous que tous les patrons des grosses boîtes multinationales de la communication et des internets et de la technologie ont fait allégeance à Trump, ce qui est pas mal. Et à son premier ministre, là, qui ne veut pas être président des États-Unis parce qu'il est né en Afrique du Sud. voilà. Le Ziegler fou. Le Ziegler fou. Ouais. On verra comment ces histoires de réseaux sociaux vont se continuer. Moi, je pense. En tout cas, le mix gouvernement et géant de la tech, ça va être génial. Ça va être bien. On n'est pas au bout de nos surprises avec ces histoires-là. Et puis, je pense que on va encore beaucoup entendre parler de conneries qui sont faites sur les réseaux sociaux pour mieux nous surveiller ou nous faire chier. C'est là qu'on est triste que les guignols n'existent plus. Il paraît qu'aux USA, Instagram abonne automatiquement beaucoup de gens au compte de Trump, sans leur demander. Je me suis déjà viré de Twitter, je pense que je vais poursuivre le processus. Franchement. J'ai vu des messages de gens qui disaient qu'ils s'étaient désabonnés 4 fois du compte de Trump, alors qu'ils n'avaient jamais fait cliquer sur l'abonnement, sur Instagram. Non, ça promet. Voilà. Alors nous, ça ne nous arrive pas encore, on est juste dans un petit pays vassal et qui n'est pas encore tout à fait opérationnel. Donc on verra. Bref, en tout cas, Pyongyang City Rockers est présent sur le fait divers, Bastodon, comme on dit. Si vous voulez suivre nos aventures, ça peut aussi se passer sur Mastodon. On croise les doigts. Ouais. Voilà. Youpi. Et puis donc, c'était pour ça que j'ai passé contre le pic. Parce que c'est bien contre le. Hein ouais. Oui. Et puis je mets quoi maintenant? Maintenant, tu vas mettre encore un groupe allemand. Cette fois, c'est un groupe de Berlin. Ouais. Ça s'appelle DBR. C'est un groupe de Soundpunk et Eggpunk. Alors, j'ai cherché ce que ça voulait dire, DBR. C'était une abréviation pour quelque chose. Et c'est ça. Et en fait, il y en a plein des abréviations DBR, dont une qui se traduit le Conseil des personnes handicapées. Ou alors, C'est nous, ça. Ouais. Ou alors débit binaire déterministe. Ah ouais, ça m'a fait rire. J'étais là, genre. Donc bref, on sait. Tu peux le dire en allemand ou pas? Non. Je ne l'ai pas écrit de toute façon. DBR, c'est un projet solo sur la cassette éponyme sortie en 2024 chez Turbo Discos. Il a des amis qui ont joué avec lui sur quelques morceaux. Et on écoute tout de suite Faulty. Ben non, voilà, on n'y est plus dessus. Ça parle de Mastodon, ça parle technologie et tout, c'est le bordel. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, c'est le numéro 372. Et voici, je sais pas. Bah vas-y. Jamie. Vas-y. Moi j'ai retrouvé de la musique irlandaise, Stéphane. Bah quand même, hein, putain, j'allais te le demander. Et est-ce que c'est encore une reprise comme l'autre fois? Ah bah je t'ai trouvé une reprise forcément. Tu m'as parlé de Drunken Sailor. Ouais. Figure-toi que j'en ai retrouvé une autre. Bien. De Fiddler's Green. Fiddler's Green, ça se dit plutôt. C'est sorti le 13 novembre 2020. Et j'ai une autre petite balade irlandaise. C'est Whiskey Makes Me Crazy de The Tossers. Et c'est sorti le 26 octobre 2008 sur l'album On a Fine Spring Evening. Et donc tu nous fais un bloc là, t'as peur de rien toi? Ah ouais, comme ça on retourne. C'est-à-dire quoi The Tossers? The Tossers. Le branleur. Les chars de trous de balle, je crois. Ah oui, non. C'est ça, oui. C'est ça, hein. Ouais. Tout un programme sur le 106,6. Accrochez-vous. Fiddler's Green. Yes. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning, hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Early in the morning. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Early in the morning. Take him and shake him and try to wake him. Take him and shake him and try to wake him. Take him and shake him and try to wake him. Early in the morning. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Early in the morning. From in the hole with the captain starter. Early in the morning. Shave his balls with a rusty razor. Shave his balls with a rusty razor. Shave his balls with a rusty razor. Early in the morning. And wet 'em all over. Pull out the plug and wet 'em all over. Early in the morning. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Early in the morning. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor. Early in the morning. Vira me bagni mayam. Vira me bagni mayam. Vira me bagni mayam. Rana rana. Like the pressure's on black on the white. too. Well, I once had a job and you considered I was scum. But it's off now to Christina's place to go get fucking drilled. Stardom ain't just the fryer, it makes it feel lazy. Virus was he driving, not jealousy makes me crazy. Stardom ain't just the fryer, it makes it feel lazy. Virus was he driving, not jealousy makes me crazy. Ouais, c'était fini pour ça rend fou. Oui, ça rend fou. Ça rend fou ces affaires. Vous savez qu'il est déjà 20h40, il faut se presser. Alors tu sais, JJ, tu vas devoir y aller. Boum. Maintenant, il y en a pour qu'une minute. Hein. Et justement, tu nous passes un titre vachement rapide. Oui. Et dans l'air du temps. Et très ancien surtout. Sorti en 81. Ouais. Tu vas arrêter tout de suite hein, sur ce ton. Hein. Merde. Non, bah ce petit titre, voilà, encore une fois, avec Jodie Foster, on nous a comparé à ce groupe-là. Alors que, bon, je sais pas d'où, mais c'est les Dead Kennedys. Ouais, quand même, hein. Ça va, quoi. Et en plus, voilà, juste avant de venir, j'ai vu sur Facebook le slogan de ce titre-là avec le bras levé d'Elon Musk. Ouais. Et donc, je me suis dit, allez, on y va, pourquoi pas. Et voilà, et une petite dédicace au passage à une petite bretonne. Voilà. Let's see if we can get it a tiny bit faster than that last one, too. What's this, Nazi Punks take 3? Stop it! No, hold it! Okay, fast. Just start again. Real fast. Nazi Punks fuck off, take 3. Back in the religious cult, from me singing for yourself. And I probably got your hair when a shock still lives inside your head. Nazi Punks, Nazi Punks, Nazi Punks, fuck off! Nazi Punks, Nazi Punks, Nazi Punks, fuck off! It's got the psych, get out of here! You're no better than the bouncers! We ain't trying to be police, when you ain't the cops, it ain't anarchy! Nazi Punks, Nazi Punks, Nazi Punks, fuck off! Nazi Punks, Nazi Punks, Nazi Punks, fuck off! Ten guys jump up, what a man! Five each of the police state wins! You cook your goose in a trash our hole! Trash your bag if you got real balls! You still think lots of guys look cool! Real Nazis run your school! Those just businessmen and cops and the real boys won't be the first to go! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! You'll be the first to go, you'll be the first to go, you'll be the first to go! Unless you think! Unless you think. Yeah. Voilà. Voilà, c'est tout. Bah oui. C'est tout. Ouais. C'est pour mon petit passage de la soirée. Eh ben merci, JJ. Bon, c'est à moi. Je ne vais pas vous parler du cabinet bruxellois indépendant spécialisé en droit des affaires qui s'appelle Lions Law, mais bien du Lions Law parisien. C'est vrai ça ? Ouais. Le groupe avec des skinheads dedans. Un retour aux sources, pas mal de titres qui se rapprochent des débuts, période ED Welcome. Mais avec ce gros son oi moderne teinté de punk et de hardcore que parcourt le groupe depuis plus de 10 ans maintenant. Vinyle couleur spéciale pour la distribution française. Merci VPR pour ces deux dernières phrases. Ce que je retiens, un album plus mélodique que le précédent. Je parle pas de l'album compilation en français, mais bien de The Pain, The Blood and The Sword. Il n'y a pas de morceau en français. C'est vrai, c'est pas bien, ça. Le clip promotionnel pour le morceau Sewer Rats sort vendredi à 10h du matin, heure parisienne. Le disque, quant à lui, sera dispo dès le 7 février et c'est déjà sur PCR. Stéphane, je te laisse choisir le morceau. C'est une totale exclue sur le 106,6. C'est un morceau qui dure 7 minutes 45 ? Non. Et qui s'appelle The World's on Fire. Et il ne doit pas durer autant. Ouais, mais c'est ça qui est marqué. Donc moi... Bon, sinon, on se revoit dans 8 minutes. Bon, Lions Law par HFMN Crew. Ouais, ça, c'est le label qui s'occupe de la promo et de la tournée. Faut pas le dire. Ça passe le 5 ou 4 février à Malleux, à côté d'Anvers. Ouais. Voilà. Westmal ou Ostmal ? Ostmal. Ouais, d'accord. Vraiment. Tu m'as pas eu, là. Lions Law, The World is on Fire, total exclu sur 106,6, Pyongyang City Rockers, Radio Campus Lille. While you can. pas de problème. C'était le rondeau. Il nous reste 11 minutes, autant bien les employer en passant un titre d'un groupe qui va passer cette semaine, ce vendredi, à la Griffe, rue des Postes à Lille. Il s'agit de Public Toys qui seront en compagnie des Bruxellois de Motormouth et des Rochelais. C'est comme ça qu'on dit les gens de La Rochelle ? Rochelais. Je sais pas. Oui, enfin bon, ils viennent de La Rochelle, quoi. Les ouais, c'est ce qu'il y a de Rochelais, Janitor, ouais, c'est ça, Rochelais. Bart and the Bratz. Donc, Public Toys, 77 punk, un peu garage sur les bords quand même. C'est à la Griffe à partir de 20h pour 7€ l'entrée, organisée par Iti Aloha. Voici Public Toys avec Scumby. Un truc, c'est de faire passer tout le monde à Linux, hein, parce que bon, moi, j'y ai survécu, pourquoi pas vous. Non, je cautionne pas, non, non, connaissant le truc. C'est Pyongyang, c'est Tyrokers, il est 20h52, mon cher Gaël, comment allez-vous? Bah, re. Bien. Re. Et comme très souvent quand je viens, je prends un morceau basque avec moi, et c'est encore le cas ce soir, avec le morceau Skinhead, qui est une chanson qui fera partie du prochain, de la prochaine compilation Chaos in Algorta. Putain, donc qui présentera plusieurs groupes de cette ville au Pays Basque. C'est leur quartier, là, carrément. Exactement. C'est un peu comme Chaos in Tarragona, qui était sorti. Nous, on va faire Chaos in Moulin et Chaos in Moiselle. Chaos in Na. Na, ouais. Chaos in Homme. Une compilation, un titre. Et comme d'hab, hein, c'est comme tout ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est enregistré, mixé, masterisé par Julian Urzeis à Ironia au studio Sons of Siren. Et c'est tout de suite sur le 106,6 à René Saï, Skinhead. Oui. Come on! C'est le sujet du jour en offline. C'est magnifique ce soir. Viva Escaleria. Encore un conte. Toi, tu vas finir par déménager là-bas. Ah bah, c'est ce que. Vous savez qu'il nous reste 3 minutes là. Et donc, on va passer le titre que nous a préparé pour la fin. C'est Lyon. C'est quoi? C'est quoi? C'est 65 Main Street. C'est du reggae ska punk. Je l'envoie. De l'est de la France. Ouais, c'est ça, de Montbéliard. Montbéliard. Et voilà. On les a reçus, la bouffaine. C'est ça, c'est le Nougat. C'est vrai? Non. Montbéliard? Non, c'est pas ça. C'est Montélimar. Ah merde, j'étais parti là-dessus. Allez, j'envoie. Allez, vas-y. Et ouais, j'ai réécouté ça ce week-end et je me suis dit, tiens, je vais passer à l'arbre. Ah, celle-là, c'est pour Président. Eric Bros qui les avait fait jouer à la MDE il y a quelques années et qui nous les avait lâchés pour le Acouphène Radio Show. Donc si vous cherchez dans les archives, il y a moyen d'en trouver une vieille interview. Et puis, bah, c'est le moment de dire au revoir et puis de laisser les gens parler. Hein. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour la 363e de Pyongyang City Rockers. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter bah, par exemple le Président le mardi à 12h midi, c'est-à-dire pour I Smell A Rat. Sinon, le lundi à 20h, il y a Mr. Milky et son... Ouais, elle a encore changé. Elle a encore changé. Et puis même le jeudi soir à 21h. Merde, je sais plus. Encore d'un cerveau. Ça, c'est sur Campus. Puis après, jeudi matin aussi. Et puis, ah, ouais, il y a jeudi matin sur Campus qui a la vie des microbes. Mais c'est autre chose. Voilà. Sur RCV, lundi 23h. Ouais, putain. Quoi. J'en peux plus. Allez, on se dit au revoir à la semaine prochaine et on n'oublie pas. À cab. Donc, on peut quand le dire.